un niveau individuel s'appelle l'istihlal, un niveau général ou pour les gens dans des lois, ça s'appelle l'attaché. C'est exactement ce qu'ils font dans les parlements, dans les lois, dans les constitutions, etc., etc. Le deuxième cas, donc ça c'est le législateur. Maintenant, on l'a dit, c'est qui? Législateur, dans les pays, c'est quoi? C'est par exemple les rois, les présidents, ou les membres du parlement. Eux, ils légifèrent. C'est-à-dire Allah Azzawajal, par exemple, des exemples précis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool. Mais les gouvernements, dans les pays, par exemple, dans les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, etc., etc., ils donnent des autorisations aux bars pour qu'ils vendent de l'alcool. Donc, ils se sont opposés à Allah subhanahu wa ta'ala, à la loi d'Allah. Pire, Allah Azzawajal a interdit le shirk. Et eux, ils laissent les gens faire quoi? Ils rendent permis, ou même des fois, ils construisent les tombes qui sont en dehors d'Allah, comme au Maroc, par exemple, c'est le ministre de l'Ouaqf, des biens de main morte, ou le ministre des Affaires religieuses, qui entretient les tombes qui sont en dehors d'Allah, etc., etc. Dans plein pays, ça. Tout ça, c'est du shirk akbar. Tout ça, c'est le shirk akbar, celui qui le fait, c'est un parent. Le deuxième, al-hakim, al-ra'is, al-qadi, alladhi yahkumu bi qanun aw 'urf aw ayyi hukmin jahili walaw fi qadiyatin wahida fahuwa kafirun kufran akbar. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est un gouverneur, un président ou un juge qui juge avec un qanun, avec une loi forgée. Un qanun, c'est un mot d'origine française, c'est un canon de loi. D'accord? Une loi forgée, ou un urf, une habitude, c'est-à-dire les gens dans un endroit, il arrive, par exemple, certaines tribus bédouines, soit en Palestine, ou par exemple en Arabie à l'époque de Cheikh Mohammed Abdelwahab, ils ont ce qu'ils appellent l'A'raf. L'A'raf, c'est quoi? C'est des lois tribales qui pratiquent entre eux en dehors de la charia. D'accord? Qui jugent avec un qanoun, c'est-à-dire avec la constitution, avec le code pénal, le code nanana, ou qui jugent avec ces lois-là, qui sont les lois ancestrales, les lois tribales, quoi que ce soit. Ou n'importe quel hukm de la jahiliya. On a vu et on verra là maintenant que tout hukm en dehors d'Allah, c'est jahiliya. Même dans un seul cas, ceux-là sont des mécréants, mécréance majeure. Ils rentrent dans le coffre. Ibn Kathir, il a dit dans son tafsir, dans l'explication du verset dans la sourate 5, Afa hukm al jahiliyati yabghoun, wa man ahsanu min Allah hukm al qawmi yuqinoun. Hein? Est-ce le jugement de la jahiliya qu'il recherche? Et quel meilleur juge? Donc un meilleur jugement que celui d'Allah pour un peuple qui ont la certitude. Un meilleur jugement, le jugement d'Allah, tout jugement dehors d'Allah, azzawajal, c'est hukm al-jahiliya, c'est le gouvernement de le jugement de la jahiliya. Ibn Kathir a dit, rahimahallahu ta'ala, yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukm Allah al-muhkam al-mujtamil ala kulli khayr, al-nahi an kulli shar, wa adala ila ma siwahu min al-ara'i wal-ahwa'i wal-istilahat. Allah, il s'oppose ou il reproche à ceux qui sortent de son jugement, du jugement d'Allah, qui est muhkam, et qui implique tout bien, et qui interdit tout mal, hein, et qui se détourne vers les opinions, ou les passions, ou les lois, allati wada'aha ar-rijal bila mustanadin min shari'ati Allah, qui ont été établies par les hommes, sans se reposer sur la sharia, la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Kama kana ahlul jahiliya yahkumuna bihi min ad-dalalat wal-jahalat. Il dit comme le faisaient les gens de la jahiliya, qui jugeaient entre eux parmi les égarements et les ignorances. مما يصنعونها بآرائهم وأهوائهم comme ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils forgeaient avec leur opinion et leur passion. Et ensuite il donne un autre exemple. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجمع مجموع من أحكام قد اقتبسها من عن شرائع شتى اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. Il dit, il donne un exemple à son époque. Il dit, et comme le font les Tatars, qui jugent avec des politiques royales qu'ils ont pris de leur roi, Genghis Khan, qui leur a fait un livre qui s'appelle Al-Yasaq. Et c'est un livre de loi qu'il a rassemblé de plusieurs législations. Parmi la loi juive, la loi chrétienne et la loi islamique. Et les Tatars, c'est un peuple mongol, donc de l'Asie centrale, je crois dire, l'Asie centrale, qui a envahi le monde islamique à l'époque. Ils ont été unis, les tribus mongoles, elles ont été unies par Genghis Khan. Il est très connu, Genghis Khan. Genghis Khan, il l'appelle. Ces gens-là, ils se sont unis et ils ont commencé des conquêtes. D'accord? Et à une certaine époque, l'un des fils de Genghis Khan, ou son petit-fils, je ne me souviens plus, Hulagu, il a rencontré des musulmans, des chiites en l'occurrence, Et il a prétendu être converti à l'islam. C'est-à-dire, en apparence, il était musulman. Il disait la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il faisait même la salat, il avait un mu'addin, etc., etc. Comme on l'a vu par la suite aussi avec Taïmoulin, leur descendant. Mais entre eux, ils gardaient ce livre-là que leur avait fait Gengis Khan, qui s'appelait Al-Yasaq. Al-Yasaq, c'était un livre de loi, comme l'a dit Ibn Kathir, dans lequel il y avait des lois juives, chrétiennes, musulmanes, mélangées. Comme les lois de notre époque. Les lois dans les pays musulmans, hein, qu'est-ce qu'ils font? L'héritage, ils disent, c'est la charia. Le divorce, c'est le fiqh hanafi. Le commerce, c'est la loi française ou anglaise. Le code pénal, c'est-à-dire les peines reliées au crime, c'est la loi, je sais pas, française, par exemple. Tu voles, t'attends un mois de prison, etc., etc. Il mélange, exactement comme Gengis Khan. Il dit, et il y avait aussi des lois qu'il avait prises de lui-même. Il dit ensuite Ibn Kathir, فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, ces enfants de ce livre-là, l'Yasaq, les enfants de Gengis Khan, ça, les Tatars, ils en ont fait un livre de loi dans lequel ils revenaient en cas de désaccord. D'accord? Ils revenaient en cas de désaccord. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir à la fin de la fatwa? Il dit une chose de très importante dans son tafsir, il dit, ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. Celui qui fait cela, il est un kafir, mécréant. Qu'il est obligatoire de combattre jusqu'à ce qu'il revienne au jugement d'Allah et de son messager et qu'il ne juge en rien, c'est-à-dire qu'il ne juge que par le jugement d'Allah et de son messager, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Ça, c'est un tafsir Moukadir. C'est un tafsir Moukadir qui est un tafsir, en plus, salafi, alhamdulillah, il n'y a pas d'erreur dans l'aqida. Il est répandu dans le monde entier. Dans ce tafsir-là, Allah il a fait qu'il y a une fatwa qui non seulement rend mécréants les gens qui jugent par le gouvernement, le jugement de la Jahiliya et du Tarot, et qui changent la loi d'Allah, et obligation de les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent au jugement d'Allah et de son messager. Et à son époque, l'époque d'Ibn Kathir, qui est, je le rappelle, l'élève du Cheikh l'Islam, Abu al-Abbas ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ils ont fait des fatwas, Ibn Taymiyyah ibn Kathir, c'est une de ces fatwas, pour combattre les Tatars. À cause de ces choses-là, quand ils ont conquis le monde islamique. Donc quoi, ils ne jugeaient pas entre eux sur la charia, et ils avaient en plus d'autres mécréances, en plus de leur tendance chiite. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit dans le volume 35 de Fatawa, Kitab al-Qada, la page 373, il dit, lorsqu'un savant délaisse ce qu'il sait du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui suit le jugement du gouverneur, qui s'oppose au jugement d'Allah et de son messager, il devient un murtad, kafir, un apostat, mécréant, qui mérite le châtiment dans ce monde et dans l'autre. Dans le volume 35, la page 373. On le cite pourquoi, parce que Moutemier parle d'un savant qui laisse ce qu'il sait du Coran et de la Sunna pour suivre le jugement du gouverneur. Que dire alors du gouverneur lui-même? Hein? Que dire alors des gouverneurs? Ils n'ont pas laissé un jugement du livre d'Allah et de la Sunna. Ils ont tout laissé. Ils ont tout annulé. Ils ont annulé tous les hudouds. Ils ont rendu permis le shirk. Ils ont annulé le jihad fi sabilillah. Ils ont mélangé les kuffars avec les musulmans. Ils ont semé la corruption sur la terre. Parce qu'on sait très bien que tous ces gouverneurs, même s'ils font, ils vont devant les gens à la salat, et quand il y a une fête comme une ride, ils mettent une djellaba ou quoi que ce soit, ces gens-là, on sait très bien à quel secte ils appartiennent. Ils appartiennent à des groupes secrets qui sont là pour détruire toutes les religions. On parle de la franc-maçonnerie, c'est des esclaves des juifs, des esclaves volontaires, des gens qui font des choses horribles en privé. Des gens qui même, certains, ils adorent le shaitan carrément, directement, en faisant des sacrifices humains, des choses comme ça. Et ça, c'est pas des délires de complotistes, c'est établi dans des livres. Des gens qui étaient proches d'eux ont témoigné de cela. Et on a vu lorsque Kadhafi est tombé, on a vu ce qu'il y avait dans sa bibliothèque. Il y avait de sorcellerie, la cabale, etc., etc. Pareil dans la bibliothèque de Saddam Hussein. Pareil dans tous ces taourites qui sont tombés. On sait très bien que la famille de Ben Ali en Tunisie pratiquait la sorcellerie ou quoi que ce soit, etc., etc. Allez, y'a de billah. Donc ces taourites sont des taourites. Leur acte seul, hein, le fait de changer la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de légiférer en dehors d'Allah, ça les rend des taourites. On sait très bien qu'ils ont d'autres annulations d'islam, parmi lesquelles le fait de prendre alliés les ennemis d'Allah, Azzawajal, contre les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'autres choses parmi le kufr, qu'ils ont clairement, en plus d'être des zanadiqa, des gens qui, dans leur cœur, et pratiquent des religions qui sont de la mécréance, même pour les juifs et les chrétiens. Hein? Histoire de franc-maçonnerie, satanisme, sorcellerie, sacrifice humain, cabale, je sais quoi, sorcellerie juive, je sais pas quoi. Alayhim la'anatullah. Alayhim la'aynallah al-mutatabi'a ila yawm al-qiyam. En ce qui concerne le tarot du jugement, on en parle parce que c'est très important. C'est tarot et démocratie, le tarot de la démocratie. C'est une religion du tarot qui est pratiquée par beaucoup de personnes qui se prétendent de l'islam. يدخل في هذا النوع من الطواغيت الديمقراطية الذي هو تشريع الشعب للشعب والله يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. Il rentre dans ce sort de tarot, la démocratie. La démocratie, c'est un tarot. Pourquoi? Parce que la démocratie, ça signifie تشريع الشعب للشعب. Ça signifie la législation du peuple pour le peuple. C'est-à-dire que dans la démocratie, et c'est le sens de démocratie en grec, démo, c'est le peuple, et kratos, c'est le pouvoir de légiférer. Donc dans la religion démocratie, c'est pas Allah qui a le droit de légiférer, c'est le peuple qui légifère. Et le peuple, il légifère en nommant des représentants dans les parlements. Donc, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Inil hukmu illa lillah », le jugement n'appartient qu'à Allah. Ici, on parle pas des élections en tant que telles. Encore qu'on pourrait parler des élections. Les élections, c'est une bid'a en tant que telle. L'élection seule. C'est-à-dire le fait de donner, de demander au peuple de choisir n'importe quelle chose. Je parle pas d'un gouverneur, même d'un gouverneur ou d'un dirigeant, soi-disant. Pourquoi? Parce qu'en notre époque, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'élection en tant que telle, si on les débarrasse du chef de la démocratie, c'est quelque chose qui est permis. Au minimum, c'est une bid'a. Au minimum, c'est un tashabbuh bil kuffar. C'est une imitation des kuffar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son Nabi Daoud, من تشبه بقوم فهو منهم, celui qui imite un peuple, il en fait partie. Deuxièmement, ça met à égal, si ça met pas à égal musulman et kafir, ça met à égal le pieux et le pervers. C'est-à-dire que dans les élections, tout le monde est à égalité. D'accord? Alors que dans la charia, tout le monde n'est pas à égalité. Le musulman, il n'est pas à égalité avec le kafir. L'homme, il n'est pas à égalité avec la femme. Le pieux, il n'est pas à égalité avec le pervers. L'homme libre, il n'est pas à égalité avec l'esclave. Tout ça, ça détruit la démocratie, ça détruit l'élection, ça détruit la représentativité populaire, je sais pas quoi, ce qu'ils appellent ça. Maintenant, on parle de la démocratie en tant que shirk. Le shirk de la démocratie provient du fait que lorsque tu participes à la démocratie, tu nommes un législateur en dehors d'Allah. Donc, nous disons, mais sha'alaka fiha fahou nou'an, celui qui participe à la démocratie, il est de deux sortes. Wa rashaha nafsahu fil intikhabat at-shar'iyya, yurid an yakuna musharri'an ma'a Allah. فهو طاغوت ينازع الله في حقه ويجب تكفيره وبغضه وعداوته قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله في سورة الشورى. Le premier, c'est quoi? C'est une personne qui se présente aux élections législatives. Se présente aux élections. Lorsqu'il se présente aux élections, son but, c'est quoi? Qui que ça soit, hein? Que ça soit un laïc ou que ça soit soi-disant un islamiste, comme dans les pays. Comment s'appelle? Il se présente aux élections. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut devenir un législateur avec Allah. Il veut être soit président, législateur avec Allah, soit membre du parlement, député, naïb. Hein? Donc il veut être un législateur avec Allah. Celui qui veut être un législateur avec Allah, c'est un tarot. Il s'oppose à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a une obligation de faire son takfir, le kafar, de le détester, de le prendre pour ennemi. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat al-shura, hein, أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ont été des associés qui légifèrent dans le din, ce qu'Allah n'a pas rendu, ce qu'Allah n'a pas autorisé. C'est clairement, c'est le verset de Surah 21, il nous montre que ceux qui légifèrent en dehors d'Allah, Allah il les appelait des shuraka, des associés, du shirk akbar. Et il dit subhana dans Surah Al-Kahf, وَلَا يُشْرِكُوا فِي حُكْمِهِ أَحَدًا, et il n'associe rien dans son jugement, dans Surah Al-Kahf. وهذا النوع لا يعذرون بالجهل ولا بالتأويل لأنهم يشركون أنفسهم بالله. Et cela, on ne peut les excuser ni par leur ignorance ni par leur fausse interprétation. Il y a un intérêt, on va appliquer la charia, parce qu'ils s'associent eux-mêmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième cas, la deuxième sorte de gens qui participent à la démocratie, من صوت وانتخب مشرعا من دون الله عالما بحقيقة ما يقوم به فهو مشرك. أما من جهل حقيقة الانتخابات وأنها شرك بالله في الحكم والتشريع فهو معذور بجهل الحال لا يكفر حتى يعلم قال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Le deuxième cas, on a fait en fait un résumé de beaucoup de ceux qui ont écrit parmi les contemporains sur la question. ils sont assez peu.